sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est Nuisance. poser la question. Vous êtes ici. Je ne sais pas quoi dire sauf que, bit, cul, torche-moi le der, improvise-toi une ombre, fais du mieux que tu puisses, le fuir, l'être, c'est le meilleur, c'est mon kumbaya à moi, kumbaya à moi, kumbaya à moi, seigneur, le seigneur, le perchoir ignorant, gémitude, gémis de couleurs qui pètent leur race, voilà t'es comme ça toi, gloire aux morts, gloire aux morts, gloire aux morts, gloire aux morts. Je joue à jouer. L'acte m'obsède en quantité. Inexorable, la poussière s'amasse le long du bruit. Tout ce bruit s'installe, non insidieusement. Tu me vois, nous voyons, nous voyons. Tu es né la dernière journée d'été. Tu ne vois pas la chandelle, Nawak. Ensuite, les œufs tournent en coque, sillage. Encore une fois, go, one, two, go. All you people out there, go hang yourself. Allez vous pendre, allez gros. Vas-y bébé, vas-y fort. Bon-moi l'anus, grave, salope. Ching, chang, chung. Et celui-là dans le cul, il est. Vas-y, bon-moi l'anus, vas-y, mets à fond, vas-y, nique-moi, nique-moi, nique-moi, nique-moi, nique-moi, nique-moi, nique-moi, nique-moi, nique-moi. Laisse-moi te niquer, salope, je te baise. Je te nique, salope, je te lèche le cul. Et je m'essuie la bite, parce que j'ai une bite, ça t'étonne? Tu veux vraiment voir ce que je crois? Je crois, c'est sûr, je crois en rien. Je pèse mes mots, je m'endors, et j'endors la torpeur. J'ignore le devenir, devenant paix, avec mon patron, Boana, Boana. Je te lèche le cul, ensuite je t'embroche, je t'offre une broche, à mettre à la tunique, et je finis tout niqué. Pendant ce temps, la Marie, dépucelée, le saint en sacrifice, jouant sur les mots, puis d'abord vint la tante, enfin, la toute, la tante, quoi, et puis vint l'onomatopée, fuck, fuck, fuck me, fuck you, fuck everything I do, fuck me, fuck you, fuck us, us, now and ever, the wild has gone up, and all the last in time, the flowers have gone wild, plus sauvage que la nuit. Un sombre soir d'octobre, octobre, la mort en suspens, la tragédie dramatique. Je sais pas pourquoi je dis ça, je m'en fous d'ailleurs. Rien n'a battre, rien n'a battre, rien n'a battre. Profilé contre l'horizon, un vaisseau. Nos sauveurs, allez hop le Saint-Sacrifice. Et hop, c'est dans la boîte, encore une fois. Te démène à fournir une excuse à tes faits, que tu t'engages dans des voies oblitérées par la passion du Christ enveloppée dans une passion enivrée de chair et de recrudescence chimique, sur pas volubile, ou si seulement, je sais ce que ça voulait dire. Au canal sud-point. Boum, pack de bière. Vous entendez encore. Chaque éclate, encore une fois, pack de bière et puis l'éclate. Vous encore une fois. Je t'en foutrais les éclats, moi. Vous serez de ceux et de celles qui perdraient l'allure. Vous avez l'allure forte, vous avez l'allure effrénée, effrénée d'un couple doré. Je suis de ceux qui croient. Non, c'est pas la discrétion, te baise. Ça va être chaud à tenir encore un peu plus longtemps, et je serai délivré du bordel, de toute cette honte, de toute cette. L'infini est de celles et de ceux qui croissent vers l'infini. Je vais pouvoir dire, mais je peux pas. Ah, bah, tu sais, pas où faire. Juste le gars, Steve. Push, moi. Ça va pas, une face. Nage, j'ai une rôde. Allez, gars, nage, j'ai une rôde. Nage, t'as pris. On veut t'as pris. La drogue, vermine et versogé. On a ton lit, comme un raccord. Une bouche, cher. Zeb. Je cherche. Là, là, qu'est-ce qu'on fait? I am with they. They are the ones who choose the glorious things on the wombat of a wing. I've got to admit something. There's something wrong here. There's something very wrong here. I don't think it'll ever be the same anymore. I don't want pit bull in my tire ring. I've got an old arch on the phone. I know it's not there, and I don't want to be the ones, the twos, the threes, the glorious wings of this wombat of a thing. Pourquoi voyez-vous là la lassitude, même que je ne suis pas de ceux qui croissent en travers de la gorge? Le truc à deux têtes, dix têtes, la moelle épinière de la mer, celle sans poitrine, celle qui offre sa vie à ces créatures immondes qui bavent et font bader la foule. Autochtone, au taquet, shoot-moi, pédé, enculé, vas-y, shoot-moi. Non, amour, je t'aime, Dieu, shoot-moi encore, chose, machin, machine, machinalement, mécaniquement parlant. Fous-moi la shooteuse dans le bras, ça picote, et je craque comme une biscotte dans du cacao. Maigre, je deviens maigreur à présent, après avoir pris du volume. Mets-moi ça dans le bras, dans la bite, l'œil, le pied, le genou. Pique-moi le cuir chevelu, rastacoère. Et oui, j'ai raison. Bois ton verre de sky, un peu de vanille, du sirop de canne, goutte, cannelle citron, spaghetti carbonara bolognaise. Va te faire suer un peu tout su. Il me fait gerber, bégère, il pleut bergère. Rentre tes blancs moutons. Moi je suis un mouton noir, un noir mouton. Je t'encule un mouton, je te lèche son cul et je le baise. Va te faire niquer par un poney. Va lécher un chien, salope. Maman est une salope, papa est un salaud. Dis-leur bordel, dis-le. Je baise maman enceinte. Je baise papa constipé. Je me fais baiser par la tortue de terre à maman. Je baise le chat noir à paps. Je lui éclate les tripes. Je mange un trip. Je vois les organes génitaux, mâle, femelle, je me branle. Je jouis, je gerbe. Je me gerbe sur la queue. Et j'y fais lécher par mon épouse. My wife likes the puke of my balls. Ok, ouais. Matière morte. Qu'est-ce que t'as? Je te parle. Mais tu me réponds pas. Qu'est-ce que t'as? T'as de bouse ou les ovaires pleines? Les juifs, les sénégalais, parlons-en des éthiopiens, Israël et tous les putains d'autres. Je sais même pas combien. Il y en a tellement. Il y en a. Ils sont partout, je les nique. Fuck them, the Jews. Kill them all, the Ethiopians. Lick their balls, les Américains. Fuck the French. Mon cœur s'emballe. Et je vais voir le macro. Matt Mathieu. Ad lib. Matt Mathieu. Ad lib. Matt Mathieu. Sans te faire chier, je veux te faire chier et j'y arrive. Se réclamer d'aucun, se faire un, taper la tête contre le mur. Faire la nuit à la face, tout ce temps passe, je trépasserai sur l'île de Ré, face aux œufs de Pâques, je te bouffe mignon, jambes écartées, éclatées. Face à l'éclat des muqueuses, je délivre ton ardeur, et je le sais. Jeune homme de 75 ans, cherche vieille de 15 ans, vierge si possible. Je t'ai déjà dit que je te baise. J'ai déjà dit que je te laminais le trou du cul. I see pez everywhere. I sleep in pez like Uncle Scrooge. And I fuck the duck. I seek pez. And I wanna be the one who seeks pez with Jah. Jah, or Juju is taking its hold on me. And I'm fucking the tree up like a good old American. Can, French concon, French kiss, French tickler, French fries, freedom. Fuck freedom, like the people, like the whores, and like the boners. Fuck them a hole. Holy fuck. I wanna be a gay man, I wanna be gay, I wanna be. Best be wannabe, than self-conscious, or all the shit you gotta say and do. C'est fini pour toi les pogos. T'es trop cassé de partout. Allez Val, viens boire un café une autre fois. Allez hop, boum, crack. Crackhead, cocaine based hematome. Go shit, go piss, go fucking your ear away. Go ahead and die, get ahead and die. So you think, fucker. I'll be the first one there. Honking a ton of cars, honking at me. The cars drive by like a shooting or a motorcycle. Killer ride. Or a man called Fungus. The Reaper, the Rapist, le rappeur fou d'ivresse, et de femmes, ou d'hommes, ou des deux, ou des trois, ou des quatre, alouettes, gentilles alouettes, je te niquerai la tête, je te têterai les seins. Lèche-moi la bite, sur l'herbe, donne-moi ton foutre, salaud. Vous baisse tous en rêve. Oh my god, it's full of cum. Fuck me. Near, far out. Lâchez prise. Plus facile à dire qu'à faire. Plus facile de faire que dire. C'est simple que dire. Difficile. Ça en jette un peu. Oh my god. Oh my god, Miché, je te parle. C'est toi que je te parle. Merde. Et porte ma porte en me portant pendance. Elle me pende pendance. Pendant ce temps, je perds mon temps pendance. Infini finitude, non fini infinitude pendance. Et pendant ce temps, le monde continue à tourner. To spin it, damn good pendance. Patented skill on time and space instead of rhyming. I go ahead in space, repeat, répète, pétard, trip, taz, Rabla, Cess, Keta. Et on y est. Et on y est. Et on y est. Bam, bam, bam. Prout. Chop, chop. Chop suey. Chop, chop. Pledge allegiance to the flag. Aide allégeance. Lèche mon cul, connard, connard. Still got fucking shit to do here, so let's do it. Fucking shit, fuck cuffed, handcuffed, sucks. Please God, Miche, don't fuck me, damn it, holy shit. Got all to lose, shit, please help me. Holy dildo, dude, dodo bird, that's what God is, that's what God is. Damn good band, shit, shit, chat, shoot up, cook up and smile. Do all that while licking a dog's dick or pussy, asshole stinking a shit. Fuck me extreme hard. Damn it, fuck me. Going out of my brain doing this. De retour pour un mix direct beat. Ouais, je vais vendre le concept aux grandes chaînes de télévision. Ne dis pas ça, ça se fera. Bouffe ma chatte avec du sel bien cuit. Bouffe mon dog, berger blanc. Fuck me, fuck you, fucking shit. Fucking fuck. Fuck fucking fuckaroo. Fuck this, fuck fuck fuck fuck fuck. Fucking, I mean, like, this and that, 24 hours a day, going out, running loose. I'm free, yeah, really, believing, you're too crazy, motherfucker. I'm fucked by sheep in a dark, cold night, no light anywhere, children playing around with the father's balls, their mother's pussies. And the parents just going on playing around in bed. They wish, they wish. Ah, my name is Stranger, en d'autres mots. C'est toi qui parles, à toi tout le temps. Il faut pas le dire. Il faut faire comme si c'était pas ça que tu faisais. Pour éviter le désaccord, les accords de toi. Car ils sont tous en désaccord avec eux-mêmes, tous en bordel. Oui, certes, du bordel dans l'affaire. Du bordel dans l'affaire. Dans l'affaire. Le bordel. Dans l'affaire du bordel. La voix est là. La voix est affaire de bordel. La voix est bordel d'affaire. La voix est deux. Oui, deux. La voix est dualité. Acceptez la dualité. Ne réfute pas la dualité. La dualité. La dualité. La dualité. La dualité. Êtes-vous alité? Al. It est. Fuck this, fuck. Fucking, I mean, like, this and that, 24 hours a day, going out, running loose. I'm free, yeah, really, believing, you're too crazy, motherfucker. I'm fucked by sheep, in a elle a pas eu confiance, bordel de merde. Enfin bon, passons. Restez polis, messieurs. Restez nets, restez capables, restez propres, restez captables. Ne parlez pas de sodomie, de scatophagie ou de poils, car c'est indécent. Ne dites pas que les politiques nous baisent en profondeur ou que le pape pue du cul. Son règne vient à peine de commencer. C'est la rigueur, docteur. Hey, docteur. Je suce le pape, les juifs, les blacks et les blonds. Je baise Dieu, c'est sûr, c'est une encule. Violence verbale, gratuite, fortuite, fort de mes sens. Je dirige mon exercice mental sur les autres, parce que j'en vaux pas la peine. Déchiqueté par les lions au cirque, les clowns se foutent de moi. Et je broie du noir, noir d'encre, noir tente. Prendre ma tente et puis partir, sans revenir. Ici en particulier, sans revenir en général, du particulier au général, oui capitaine, je vois, baise, oui général, je vous baise, oui lieutenant caporal major, or. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM, c'est Nuisance, avec ce soir Al, Al est avec Gaël. Gaël a participé à l'émission. Il a fait des voix. Il a parlé. Il a pris le micro. Il a allumé le bouton. Il a parlé dans le micro. Ensuite, il est venu. Et ensuite, il va partir. Et il va parler. Il va parler en même temps que moi. Il va dire des choses. Il va parler comme quelqu'un. Il va parler comme quelqu'un qui parle. Il va parler et dire des choses qui parlent, qui parlent aux autres, qui parlent à soi-même, qui parlent tout, d'affaires et de faire. Après tout, il n'y a pas d'affaires sans faire, quoi. À bientôt.